Victor Hugo, le poème du jardin des plantes, 7. Tous les bas âges sont épars sous ces grands arbres. Certes, l'alignement des vases et des marbres se parterre au cordeau. Ce cèdre résigné, ce chêne que Monsieur Despréaux eut signé, ces barreaux noirs croisés sur la fleur odorante font honneur à Buffon, qui fut l'un des 40, et mêla, de façon à combler tous nos vœux, le peigne de le nôtre aux effrayants cheveux de Pan. Dieu des halliers, des rochers et des plaines, cela n'empêche pas les roses d'être pleines de parfums, de désirs, d'amour et de clarté. Cela n'empêche pas l'été d'être l'été. Cela n'ôte à la vie aucune confiance. Cela n'empêche pas l'aurore en conscience d'apparaître au zénith qui semble s'élargir, les enfants de jouer, les monstres de rugir. Un bon effroi joyeux emplit ces douces têtes. Écoutez-moi ces cris charmants. Viens voir les bêtes. Il court, quelle extase! On s'arrête devant des cages où l'on voit des oiseaux bleus rêvant, comme s'ils attendaient le mois où l'on émigre. Regarde ce gros chat! Ce gros chat, c'est le tigre. Les grands font aux petits vénérer les guenons, les pitons, les chacals, et nomment par leur nom les vieux ours qui, dit-on, poussent l'humeur maligne jusqu'à manger parfois les soldats de la ligne. Spectacle monstrueux, les gueules, les regards de dragon, lueurs fauves au fond des bois hagards, les écailles, les dards, la griffe qui s'allonge, une apparition d'abîme, l'affreux songe réel que l'œil troublé des prophètes amers voit sous la transparence effroyable des mers et qui se traîne et part dans l'horreur inouïe, l'énorme bâillement du gouffre qui s'ennuie, les mâchoires de l'hydre ouvertes tristement, on ne sait quel chaos blême, obscur, inclément, un essai d'exister, une ébauche de vie, d'où sort le bégaiement furieux de l'envie. C'est cela l'animal, et c'est ce que l'enfant regarde, admire et craint, vaguement triomphant. C'est de la nuit qu'il vient contempler, lui, l'aurore. Ce noir fourmillement mugit, hurle, dévore. On est un chérubin, rose, frêle, tremblant. On va voir celui-ci que l'hiver rend tout blanc. Cet autre, dont l'œil jette un éclair du tropique. Tout cela gronde, et menace, siffle, pique, mort. Mais par sa nourrice on se sent protégé. Comme c'est amusant d'avoir peur sans danger. Ce que l'homme contemple, il croit qu'il le découvre. voir un roi dans son antre, un tigre dans son louvre. Cela plaît à l'enfance. Il est joliment laid. Viens voir. Étrange instinct, grâce à qui l'horreur plaît. On vient chercher surtout ce qu'il faut qu'on évite. Par ici, non, par là. Tiens, regarde, viens vite. Jette-leur ton gâteau. Pas tout, jette toujours. Moi, j'aime bien les loups. Moi, j'aime mieux les ours. Et les fronts sont riants, et le soleil les dore. Et ceux qui, nés d'hier, ne parlent pas encore, pendant ces brouhahas sous les branchages verts, sont là, mystérieux, les yeux tout grands ouverts, et méditent. Afrique aux plis infranchissables, ô gouffre d'horizons sinistres, mer des sables, Sahara, Dahomey, lac Nagin, Darfour, toi l'Amérique et toi l'Inde, âpre carrefour, où Zoroastre fait la rencontre d'Homère, paysage de lune où rôde la chimère, où l'orang-outan marche un bâton à la main, où la nature est folle et n'a plus rien d'humain, jungle par les sommeils de la fièvre rêvée, plaine où brusquement on voit des arrivées, de fleuves tout à coup grossis et déchaînés, où l'on entend rugir les lions étonnés que l'eau montante enferme en des îles subites. Désert dont les gaviales sont les noirs cénobites, où le boa, sans souffle et sans tressaillement, semble un tronc d'arbre à terre et dort affreusement. Terre des baobabs, des bambous, des lianes. Songez que nous avons des Georges et des Jeannes. Créez des monstres, lacs, forêts, avec vos monts, vos noirceurs et vos bruits. Composez des mammons. Abîme, condensez en eux toutes vos gloires. Donnez-leur vos rochers pour dents et pour mâchoires. Pourvoie votre ouragan. Pour regard, votre horreur. Donnez-leur des aspects de pape et d'empereur. Et faites, par-dessus les halliers, leur étable et leur palais, bondir leur joie épouvantable. Certes, le casoar est un bon sénateur. Loi a l'air d'un évêque, éplé par sa hauteur. Dieu, quand il fit le singe, a rêvé Scaramouche. Le colibri m'enchante, et j'aime l'oiseau-mouche. Mais ce que de ta verve, ô nature, j'attends, ce sont des béhémots et des léviathans. Le nouveau-né qui sort de l'ombre et du mystère ne serait pas content de ne rien voir sur terre. Un immense besoin d'étonnement. Voilà toute l'enfance. Et c'est en songeant à cela que j'applaudis, nature, au géant que tu formes. L'œil bleu des innocents veut des bêtes énormes. Travaillez, dieux affreux, soyez illimités et féconds. Nous tenons à vos difformités, autant qu'à vos parfums, autant qu'à vos dictames. Ô désert, attendu, que les hippopotames, que les rhinocéros et que les éléphants sont évidemment faits. pour les petits-enfants.